de bœuf, la complainte. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés. Je crois le vent les a ôtés, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte et ils vantaient devant ma porte. Les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent les a ôtés, l'amour est morte. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente, et froid au cul qu'en bise vente. Le vent me vient, le vent m'évente. L'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. Thank you.